Vas-y. Vous allez, bah, si, pas. Attends, ça, parce que les enfants, ils ont le temps, ils se mettent dans le cul, hein. Ça va pas être long, hein, parce que moi, j'ai pas des réculs. Je vais pas me laisser emmerder par des réculs. Ah, j'envoie les deux minutes, hein. Nous, à voir, je prends des bras à jusqu'à et tout ça. Allez, les pédos, derrière. Bon, non, non, elle est pas d'accord, hein. Ah, c'est pas long, hein, parce que t'as tout le truc que le poids dans la tête, tu vas être écrasé. Je vois les termites. D'accord? Bon. Hein? Salut les affreuses et bienvenue sur Radio Web Passion. Il est 18h et c'est l'heure de votre dose hebdomadaire de Hot Rods. C'est parti pour 2h de pur son 70s avec Jacal jusqu'à 20h. On attache la ceinture, on passe la première, on accélère. Status quo tout Fargone en guise d'ouverture de ce 22e Hot Rods, un titre que j'ai extrait de leur 10e album Rocking All Over the World qui est paru le 11 novembre 1977. Son titre d'ailleurs provient d'une chanson que John Fogerty avait composée pour son 2e album solo en 1975. On l'écoute maintenant. Hey! Reste cool, écoute Hot Rod. C'était Blackjack avec Without Your Love. Michael Bolton rencontre en 1978 les deux frangins Robert et Bruce Kulick, tous deux guitaristes de Meatloaf. Le courant passe rapidement entre eux. Bruce Kulick décide alors de fonder le groupe Blackjack avec Michael Bolton. Ils sont rejoints par le bassiste Jimmy Heslip et le batteur Sandy Gennaro. Le groupe sortira deux albums en 79 et en 80, mais le succès ne sera pas au rendez-vous. On va passer maintenant à autre chose, les Eagles, avec Good Day in Hell, un titre tiré de leur troisième album studio paru en 1974, On the Border. Cet album marque l'arrivée du guitariste Don Felder, qui ne joue que sur deux titres, puisqu'il n'était qu'invité à l'époque pour la session d'enregistrement de cet album. On va pouvoir l'entendre à la guitare slide dans le morceau suivant. Il deviendra membre officiel du groupe lors de la tournée suivant la parution de l'album. We'll be right back. Allez, c'est le moment où l'émission part en live maintenant avec Wishbone Ash et le titre Blowing Free, suivi de UFO avec We Belong to the Night. Voici le moment que vous attendez toutes et tous, la Friend Touch. Alors au programme ce soir, on va écouter un morceau du groupe Zoo, une formation de rock progressif originaire de Paris, active entre 1969 et 1972. On va s'écouter le titre I Go Out From My Mind, extrait de leur deuxième album intitulé I Shall Be Free, paru en 1970. Mais auparavant, on va s'intéresser à une autre formation de rock progressif. Il s'agit de Hybrid, un groupe qui n'enregistra qu'un seul et unique album en 1977, intitulé « Ça n'a pas d'importance ». Alors, on démarre donc cette Friend Touch avec Hybrid, à mes amis inconnus. We'll be right back. À votre avis, l'hétérosexualité, qu'est-ce que c'est? Bon, je pense que l'hétéro vient de éther. Donc c'est se droguer à l'éther, c'est s'envoyer en l'air en se droguant avec de l'éther. Refermons le dossier Fine Touch numéro 22 et passons maintenant à un autre dossier, le dossier de la version XL. Et ce soir, on va s'écouter Neil Young avec un titre qui s'appelle Cowgirl in the Sound. We'll be right back.

Annie Young et Cowgirl in the Sun, je vous propose qu'on s'écoute un petit Johnny Cougar avec Factory, extrait de son album A Biography. Bientôt être l'heure de clôturer cette première heure de Hot Rods. On va la clore avec Status Quo, nos artistes du mois, et le single Whatever You Want, extrait de l'album Whatever You Want, donc le même nom que la chanson, paru en octobre 1979. Le single est paru, lui, le 14 septembre 1979. Il rencontra un grand succès, se hissera même en quatrième place au Royaume-Uni, sera disque d'argent en Angleterre, et c'est l'un des hymnes rock les plus fameux, comme peuvent l'être Smoke on the Water ou Born in the USA. Mais auparavant, on va s'écouter un petit Bob Seger de derrière les fagots, ce sera Steelers, extrait de l'album Back in 72. C'est rapide, c'est puissant, c'est Hot Rod. Thank you. Vous êtes bien sur Radio Web Passion, vous êtes en train d'écouter Hot Rods, l'émission animée par Jackal jusqu'à 20h. Allez, pour entamer cette deuxième heure, je vous propose un petit Led Zeppelin avec All My Love. Love. Allez, on retourne aux choses sérieuses, on passe la vitesse supérieure. The Solitude of a People on a Sandy Beach. Dreamer, dreamer. Thank you. was cleaning a business. And all I got is common stripe to help me on my way. Said it might be there, but I'm telling you, beware. The hand that bites your feet. We'll be right back. Sur une petite pause avec Bunny Ritz, You're Gonna Got What's Coming en 1979. Et juste après, on reprend notre mix The Solitude of a People on a Sandy Beach. Thunderbird. Hot Rods active les instincts primaires. We'll be right back. Voilà, c'était le mix The Solitude of a People on a Sandy Beach. Alors, on a écouté dans la première partie Finch avec Dreamers, Band of Joys avec Cruzia, Jefferson Starships, Traffic avec Shot of the Fantasy Factory et Charlie avec Johnny Hold Back. La deuxième partie, on s'est écouté Baxter avec Taken Alive, Bullet avec Acid Island, Phoenix avec Rock of Ages, Paris Big Town 2061 et Aftershave avec Clever Fool. Voilà, il va bientôt être l'heure de se quitter, mais juste avant, on va s'écouter un dernier petit truc. Ce sera Bruce Springsteen avec Adam Rains a Cave. Yeah! bien, c'en est fini de cette 22e édition de Hot Rods. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour encore plus de son 70s. On va se quitter avec Amsterdam et Julie Comeback. Salut les amis. The days grow short, the nights grow cold and long. The leaves fall from the trees and winter's coming on. The love between grows cold. Such a pleasant stay, and now a month passed by, and I just can't seem to get you off my mind. I'm lost and lonely now. Why did you leave, lady? I woke up, you were gone. Couldn't believe, lady. Tous les mercredis de 18h à 20h, retrouvez Hot Rods avec Jackal, l'émission qui explore les 70s sur Radio Web Passion.